Vendredi 14 avril, bienvenue à l'émission Les Différents. Mélanie Florent avec vous jusqu'à 10h. Et ce matin, on a des gens pas mal. On a beaucoup de monde en studio, mais j'ai deux invités. Et puis, si vous entendez des fois que c'est un peu indiscipliné, ben ça sera de la faute de mes deux invités. Jean, ne fais pas ce visage-là. Je m'en permets. Écoutez, ce matin, le bonheur, le développement personnel, on en entend beaucoup parler, pratiquement tout le temps. Vous êtes peut-être même abonné à ces pages Facebook de coach, conférencier, motivateur. Ces pages dont j'envie pratiquement le nombre d'abonnés qui se calcule par milliers. C'est beaucoup de gens. C'est beaucoup de gens qui les suivent. Et sur ces pages-là, on retrouve des citations qui nous parlent de croire en notre destin, de sourire à la vie, que la force d'avancer nous est propre et que c'est notre responsabilité. J'insiste sur le « notre responsabilité » parce qu'on en voit de plus en plus. Des liens vers des articles avec des titres comme « Les trois façons pour attirer le bonheur dans sa vie » ou « Pour attirer le bonheur, soyez heureux » pratiquement. J'en consomme de ces livres-là, c'est pas la question, puis je cherche pas à faire le procès de l'industrie du développement personnel. Je me questionne sur ce qu'est la quête du bonheur, mais à tout prix. La pression que les gens ont et se mettent ou se font mettre sur les épaules à être heureux. Et puis ce matin, bien, vous l'aurez compris, je parle de développement personnel. Mes invités sont tous les deux dans ce domaine, mais partagent pas le même point de vue envers cette industrie de la croissance et du développement personnel. Le conférencier et coach George Wright. Bonjour, George. Oups, attendez, j'ai pas ouvert le bon, ça a l'air, ou on... Je pense qu'on a eu un... Bon, on a un petit problème. Jean? Oui, bonjour, bon Jean, matin. Jean, je t'entends. Et Georges, je vais peut-être vous demander de prendre l'autre micro, si George, ça vous dérange pas. La voix pas. De Dieu qui est déjà... Je ne comprends pas pourquoi on ne vous entend pas. Et pourtant, c'est tellement petit, intéressant ce qu'il a à dire. Sûrement, j'en doute pas. C'est pour ça qu'il est invité. Donc, Est-ce Georges, que c'est mieux? Là, je vous Allez. Entends. Donc, je vous entends sans problème. Mon micro jaune ne veut pas fonctionner. Désolée pour l'intermède à l'émission. Et puis, ben, vous l'aurez entendu, c'est le Hulk de CKRL, Jean Nadeau, de l'émission Pas de temps à perdre. Bonjour, bon matin, Jean. Mélanie, ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Je vous ai les deux et on est censé être heureux. Ah ben oui. On est censé être heureux, donc c'est avec deux motifs. Je peux même pas dire. J'aime, on me fait taper dessus les doigts. Ça y est, je vais devenir vert. Est-ce que je peux vous demander les deux, c'est quoi votre approche pour qu'on puisse se faire une idée, parce que vous avez deux points de vue différents, mais vous êtes dans le même domaine. Tout à fait. Ben écoute, Mélanie, moi, quand je dis aux gens, quand on regarde une pièce de monnaie, on la regarde à partir d'un point de vue. Mm-hmm. Donc, moi, mon point de vue, c'est la croissance personnelle, c'est quoi que c'est quelque chose qui est indispensable, dans le sens que une plante, quand elle pousse toujours vers la lumière. Puis moi, en tant qu'être humain, je suis un être de lumière qui pousse vers la lumière. Donc, pour moi, la croissance, c'est je vais vers plus, toujours plus. Mm-hmm. Et la croissance, ça se fait toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, moi, je suis intéressé à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, mon monde intérieur, c'est mon monde qui me permet de comprendre qui je suis, où je m'en vais, de quelle façon, où sont mes saboteurs. Mm-hmm. Puis une fois que j'ai identifié mes saboteurs, ben je vais changer mes croyances, mes pensées pour aller vers plus. Mm-hmm. C'est que ça, la croissance personnelle pour moi. Jean? En fait, Jean, je te pose quand même la question parce que les gens, oui, on te connaît à CKRL, on entend ton opinion, on peut te suivre sur les réseaux sociaux aussi. Mais par contre, j'aimerais avoir ton avis sur ton point de vue, sur toi, l'industrie. Sur l'industrie. Premièrement, c'est une industrie. C'est une industrie. On ne peut pas se le cacher. Là. À partir du moment où tu as un groupe d'individus ou de compagnies qui sont rémunérés pour faire le travail qu'ils font, ça devient une industrie. Qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, il y a bien des gens qui voient ça, tu peux pas être qualifié comme étant dans une industrie alors que ton objectif est d'être au service des gens, pour le bien-être des gens. Ouais, mais c'est ça notre job. Donc, notre job pour gagner notre vie, c'est ça. Et notre mission peut être non monétaire, mais la job, c'est ça. Donc, c'est une industrie. Et ben mon approche, elle est de toute évidence, pour celles et ceux qui me suivent, en polarité avec la majorité des gens qui sont dans cette industrie-là, ce que j'appelle l'approche conventionnelle. Moi, je n'ai pas l'intention, j'ai pas l'objectif, j'ai aucun intérêt à remplir des salles pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, pour les faire se sentir bien avec la vie qu'ils ont. Pour les faire juste mieux se porter à l'intérieur d'eux, pour surfer sur le statu quo de la vie qu'ils ont, sachant très bien que ce n'est pas nécessairement la vie de rêve à laquelle ils aspirent, puis qu'ils savent très bien quel changement qu'ils devraient faire. Donc moi, je leur dis plutôt ce que je pense qu'ils devraient entendre, ce que moi je pense, c'est mon opinion. Moi, les gens en feront ce qu'ils en voudront. Donc, je leur dis ce que je pense qu'ils devraient entendre, surtout, si ça les rend inconfortables. Parce que c'est pas dans le confort de notre divan écrasé à faire des fils d'araignée entre les deux fesses qu'on change quelque chose dans notre vie. On change quand on est inconfortable. Mais c'est ton approche qui fait réagir. Je pense, genre, je te suis aussi sur les réseaux sociaux. Tu fais réagir avec cette façon de penser-là. Mais de le dire, peut-être. Pas de la façon de penser, mais peut-être le fait de le dire haut et fort. Ouais, mais je te dirais que la réaction est une chose. J'espère que les gens reste pas pris sur la réaction. Oui, je dis des choses qui sont souvent très pétaradantes pour attirer l'attention. Puis t'es le premier à l'utiliser, ce terme-là. Ouais, et pour créer l'inconfort. Mais Baptiste, si ça vous rentre par une oreille puis ça accroche dans le gut, ça accroche au cœur à un moment donné, là, soyez attentif à ça. C'est parce qu'il y a quelque chose qui accroche. Et réfléchissez. Donc, c'est la deuxième. Première étape, oui, faire réagir. Deuxième, réfléchissez à pourquoi ça vous a fait réagir. Puis peut-être que vous allez trouver dans cette réflexion-là la source d'une action qui va vous faire passer d'où vous êtes à où vous voulez être. Sinon, vous allez rester dans votre petit statu quo de merde, à vous emmerder, puis à juste dire, pouf, c'est bien correct comme ça. Ça, c'est l'approche, là, Jean. Ça, c'est Jean, il fonctionne de cette façon-là, puis c'est parfait. Ouais. Parce que je dis tout le temps, les gens qui viennent vers nous, c'est les gens qui ont besoin d'entendre ce qu'on a à dire. Point. Ouais. Alors, Jean, lui, il dérange les gens, mais il les fait bouger. Moi, je les dérange, mais d'une autre façon. Donc, je vais les sortir aussi de leur zone de confort. Mais moi, je suis plus de genre plus doux, plus... je suis un petit peu plus... moins menaçant, je vais dire. On va le dire comme ça, je suis moins menaçant. Les gens vont venir vers moi parce qu'ils ont besoin de plus de douceur. Les gens vont avoir moins peur, en fait. Parce que Jean, on l'admet, tu brasses pas mal. Oui, je sais que ça crée la peur chez certaines personnes. On avait un événement justement avec Brian Dubard il n'y a pas très longtemps. Puis dans la salle, Brian me disait la majorité des gens qui sont là, qui suivent Brian, mais qui venaient pour voir Brian, mais qui... Bon, j'étais là. Mais il me disait, tu leur fais comme un peu peur. Je fais juste appel à la bonne conscience des gens, puis à la maturité, à la sagesse des gens, d'aller au-delà de ça. Puis je pense que c'est quand les gens me rencontrent qu'ils s'en rendent compte. Et je veux revenir sur ce que George vient de dire, où George a une approche différente qui, lui aussi, peut amener les gens à sortir de leur zone de confort avec son approche qui est différente de la mienne. Premièrement, pas parce que des gens ont des approches différentes, que ce soit la mienne ou celle de George, que ce qu'on dit est stupide ou que ce qu'on dit est faux. Et je suis le premier à vous dire que l'approche de George, elle fonctionne aussi. Parce que George, il m'a déjà dit des choses qui m'ont fait réfléchir. Donc, ça fonctionne, son approche. Je dis pas que ça fonctionne pas, mais je dis aux gens, si vous suivez des conférenciers depuis des années, posez-vous la question, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça donne des résultats? Si oui, continuez à suivre ce conférencier-là ou cette conférencière-là. Sinon, baptême, faites d'autres choses. Ça s'appelle du développement personnel, pas du entertainment personnel. Donc, moi, il y a des gens qui ont une approche complètement différente de la mienne et des gens qui ont une approche similaire à la mienne que je suis. George en est un. Si vous réussissez à me faire réfléchir, vous avez fait votre job. Que vous ayez une approche douce, semi-douce, très dure ou semi-dure, je m'en fous. Je prends ce qui fonctionne pour moi. Et l'approche de George, elle fonctionne pour moi. Il m'a dit des affaires dans les yeux une couple de fois, puis ça accrochait au cœur. Ça faisait pas juste rentrer dans l'oreille et sortir par l'autre. J'ai une petite question, parce qu'avant, puis c'est drôle, hein? On est un vendredi saint en plus, puis oui. Je vous invite. C'était même pas prévu en plus, tout ça. Mais est-ce que avant... Tu sais, avant, on mettait notre bonheur entre les mains de l'Église, entre les mains de Dieu. Maintenant, on nous dit, comme je disais en intro, qu'on est responsable de notre bonheur. Est-ce qu'il y a, à un moment donné, ça devient un sport pratiquement national, qui est le plus heureux? Est-ce que ça nous met pas un peu trop de pression d'entendre ça? C'est votre responsabilité. quand il y a 40 ans, les églises entraient encore dans les maisons, ou presque, là. Oui, tout à fait. Puis pourquoi on se pose la question, pourquoi les églises sont vides? Mm-hmm. Parce que le message, quoi, qu'il ne porte plus, il ne touche plus les gens de la même façon. Puis quand on parle de responsabilité, pour moi, c'est pas culpabilité. Il faut faire une distinction. Je suis responsable de mon bonheur. Qu'est-ce que je fais? Il y en a beaucoup qui culpabilisent. Bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, quand Jean il dit « si t'es gros, c'est de ta faute. Si t'es pauvre, c'est de ta faute. » C'est une approche. Moi, je veux dire, t'es responsable de ça. Mm-hmm. C'est très différent. C'est très différent. Mais le but est le même. Ce que Jean cherche à faire, c'est dire « Hey, réveille-toi. Si t'es gros, c'est peut-être parce que tu manges pas la bonne affaire. » Mais moi, je vais le dire autrement. Mm-hmm. Mais le résultat est le même. Ouais. L'objectif poursuivi est le même. Ça, je veux juste faire une petite rectification dans les exemples que tu as dit. Oui, je dis aux gens, si vous êtes gros, c'est de votre faute. À moins que vous fassiez partie des 2% de la population qui avait un problème génétique. Baptême, c'est pas moi puis personne d'autre qui met de la merde dans votre panier d'épicerie, qui passe 30 heures par semaine devant votre TV, c'est la moyenne canadienne, puis qui allait encore manger chez Poulet Frit Kentucky puis chez chez McDo 3 fois par semaine. Si vous êtes gros, c'est de votre faute. Levez-vous derrière et poussez-vous devant une culotte, puis allez prendre une marche. Oui, c'est de votre faute. Par contre, j'ai jamais dit que si les gens qui sont pauvres, c'est leur faute. Les gens qui sont cassés, c'est de leur faute. La pauvreté, c'est une condition. Peux-tu faire la différence? La pauvreté, c'est une condition. Il y a des gens qui sont pauvres à travers le monde, qui vivent dans des pays et qui ont dans des bidonvilles, des gens qui n'ont pas l'opportunité d'aller gagner leur vie puis de se sortir un peu de la pauvreté. Donc ça, ce sont les gens qui sont pauvres. C'est pas leur responsabilité, c'est pas de leur faute, Baptiste. Mais quelqu'un qui est cassé, qui a un job, puis qui est cassé, c'est de sa faute. Il fait juste dépenser plus qu'il en gagne. C'est de sa faute. C'est pas personne qui dépense 25 000 à sa place alors qu'il en fait 20 000. C'est lui qui fait le 20 000, c'est lui qui dépense trop, il est cassé. Donc là, il y a une différence entre la responsabilité des deux. Moi, j'irais un peu plus loin sur la responsabilité en disant, mm-hmm. OK, quelles sont les actions que tu portes qui sont des saboteurs? Si t'as pas l'argent, si t'es pas capable d'économiser, c'est que t'as une action à l'intérieur de toi qui fait que tu sabotes. Parce que nos résultats viennent toujours de nos actions. Mm-hmm. Puis là, dans le domaine de la croissance personnelle, on va changer nos actions. Mais c'est quoi? Ils viennent de où, nos actions? Ils viennent de nos croyances. Puis nos croyances, ils viennent de où? Ils viennent de nos expériences vécues. Oui, exactement. Oui. Mélanie, d'entrée de jeu, dans ce point-là, dans cette question-là que tu nous poses, tu parles de la responsabilité. Est-ce qu'on a trop de pression en remettant la responsabilité de notre bonheur entre nos mains? Mais parce qu'on lit partout. On lit partout. Soyez heureux. Regarde, je suis encore hier, avant, quand j'ai placé le post des différents pour dire qu'on parlait de développement personnel, c'est drôle parce que quand ma page Facebook s'est rechargée, là, je suis tombée sur un article qui nous disait « Soyez heureux tous les jours ». Puis juste en bas, c'était 5 moyens de trouver le bonheur. Ça, c'est pas la responsabilité. C'est des choses comme ça. Mais ça s'apparente beaucoup, avec le développement personnel. C'est là-dedans aussi que je veux aller. Quand je parle de bullshit, là, c'est exactement les exemples que tu viens de donner là. Ça en est, ça, de la bullshit. Une chose qui est pas de la bullshit, c'est... Mais c'est quand même ça qu'on voit passer à tous les jours. J'en ai eu deux back-à-back qui... Puis je venais de poster, justement, les différents... C'est là-dessus que je veux jouer. C'est ça qui est là tout le temps. Mais prenez ça. C'est quoi la bullshit, John? Explique-moi, ça m'intéresse. OK. Je veux juste refaire mon point parce que je ne veux pas l'oublier. Le point de départ de ta question, de cette question-ci, c'était le sens des responsabilités. C'est notre responsabilité. Baptiste, de qui tu veux que ça dépende d'autre que de toi-même? Oui, ça part de nous. Maintenant, là, on part, puis on divague, puis on met de la pression sur un peu tout le monde. Puis, dans notre industrie, dans notre propre industrie, nous autres, on dit le succès. C'est tough. C'est vraiment tough à obtenir le succès. Mais venez à ma conférence, parce que moi, j'ai établi 7 règles du succès, puis moi, je vais vous donner la solution. Et là, ça nous met de la pression. Ben, c'est de celle-là que je parle. Il y a 7 règles, je les ai pas, les 7 règles, il faut absolument que j'y aille. C'est notre responsabilité à nous, ça revient à nous. Fait que ne questionnons pas l'argumentaire sur la responsabilité. C'est notre vie est notre faute. C'est nos pensées, nos paroles et nos décisions et nos actions vont donner les résultats, puis il faut vivre avec les conséquences de ça. Mm-hmm. Ça revient à la responsabilité. Point final. Je sais que mon propos est ultra simpliste, puis que George est pas mal plus intelligent que moi, puis il va vous dire ça de façon beaucoup plus élaborée, avec des plus grands mots. Mais ramenons ça à la base, le monde. On complique trop ça, Baptiste. Ramenons ça à la base. Restons simples. Mais c'est ça, quand on voit les 3 actions faciles pour atteindre le bonheur, les 3, c'est là où est-ce que c'est censé être facile. Le message est « Voici, c'est facile à être heureux, c'est facile réussir, c'est facile à être millionnaire. » C'est bon. Simple, Mélanie. La recette est simple. Il n'y a pas personne qui a dit que ça serait facile, mais la recette on est simple. Voit, là, la recette est simple genre. Pour faire du gâteau. Moi, je trouve ça compliqué, Batince. Faire du gâteau, je ne suis pas capable de faire ça, du batin de gâteau. Mais la recette est simple. Mais oui. Simple. Est simple. Mais un gâteau, ça s'achète. Tandis que le bonheur, il faut se le faire. Le bonheur ne s'achète pas. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, le bonheur... Ben, je m'en viens d'une coach, moi. Une coach, c'est ça. C'est bon, ça. Ben, pour moi, le bonheur, c'est quelque chose avec lequel on est venu au monde. Il n'y a pas un enfant qui vit au monde qui est chiant, arrogant, baveux, mal élevé. L'environnement dans lequel même on va Jean. Vivre... Ben, Jean, c'est un monsieur Hulk avec un cœur grand comme... Il n'est pas arrivé George. En s'appelant Hulk. George, non. Attention à ce que tu vas dire, tu vas détruire ma carrière. Ah ben, c'est une carrière que tu veux ou aider les gens. C'est ça qui est devant. Mais tu sais, moi, je dis que les gens viennent au monde heureux. Un enfant, regarde un enfant, tu le vois, il sourit tout le temps. Oui. C'est quoi qui fait qu'il va arrêter d'être heureux? C'est comme on lui dit, fais pas ci, fais pas ça, t'es pas comme ci, t'es pas intelligent, t'es pas beau, t'es pas fin. Et après ça, on va s'en aller à l'église, puis on va dire, oh, l'église va m'aider. Puis à un moment donné, l'église, le message nous aide plus. Fait qu'on se jette dans quoi? On cherche quoi? On cherche à retrouver quelque chose avec lequel on est venu au monde. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à retrouver qui on est vraiment. Qui on est vraiment, c'est un être de joie. Moi, mon essence, c'est un être de joie. Pourquoi je me fais chier avec les choses à l'extérieur? C'est parce que j'ai oublié que j'étais un être de joie. Alors moi, ce que je fais, j'ai dit aux gens, je vais te rappeler juste qui tu es. Tu sais, je te disais tout à l'heure, Mélanie, souvent notre message peut sembler... d'entrée de jeu contradictoire, mais très souvent, il est plus souvent complémentaire bien que sûr. Contradictoire. Et ce que George vient de dire là, je suis un être de joie. Moi, je traduis ça dans mon livre par deux chapitres qui ont le même titre. Le premier chapitre, la première version, c'est le titre, c'est « Jouissez-vous ». C'est une question que je pose au monde. « Jouissez-vous ». Et il y a quatre lignes à ce chapitre-là. Puis si vous n'avez pas compris les quatre lignes, ben, allez lire le prochain, c'est le même titre. « Jouissez-vous », mais il y a 9 pages. « Je suis au monde pour jouir ». Puis, enlevons l'argumentaire de cours d'école primaire, là. On parle pas juste de la jouissance sexuelle. Non. Je jouis avec mon café du matin. Je jouis à faire mes lives à tous les matins. Je jouis actuellement d'être avec toi qui nous questionne, avec George qui me fait réfléchir. La vie est bonheur. Mais c'est notre responsabilité de nous créer notre bonheur en considérant ce qui se passe autour de nous. Oui, en régissant, puis en réfléchissant. Je vais ajouter quelque chose à ça, Jean. Je trouve ça intéressant. Parce qu'effectivement, quand on regarde un enfant, puis qui est dans un champ de fleurs, il est émerveillé. Il dit « Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau ». Quand est-ce qu'il arrête d'être émerveillé? C'est quand on va lui dire « Ça, c'est une tulipe, ça, c'est une rose ». Puis à partir de là, il va vouloir nommer les choses. Il va arrêter d'être émerveillé par les choses, par la vie. Mm-hmm. Être émerveillé devant un café, l'odeur du café, un arbre, un oiseau qui est sur une branche, c'est ça l'enfant qui est naturellement dans la joie. Mm-hmm. On cherche pas, on n'a pas besoin de chercher à l'extérieur. Tout est là. C'est tout est en dedans de nous. Oui. Puis Jean, il fait juste dire « Réveille-toi ». C'est là. Oui. Es-tu en train de me donner raison? Oui. Ça a l'air que oui. C'est juste l'approche. J'aimerais revenir aux conférences parce que moi, je pose des questions. Puis ça m'est déjà arrivé. C'est l'intelligence, Mélanie. Et, ouais, ben, merci, ça. Je vais le prendre pour un très beau compliment. Puis je ne suis pas la seule à qui ça doit être arrivé. À la fin, tu sais, on nous dit que tout est facile ou que si ou que ça selon la méthode, si on suit ce que le conférencier ou le coach dit. À la fin, quand on pose des questions, ben on dit qu'on est, on se fait dire qu'on est fermé. Il n'y a pas à un moment donné un manque d'empathie face à ben la personne s'intéresse. Ouais. Ça, j'ai déjà vu ça des conférenciers, des coachs qui étaient fermés. Aussitôt qu'on posait la question, puis c'est pour ça aussi je vous remercie d'être là ce matin, parce que c'est pas tous les coachs conférenciers qui acceptent de venir répondre à des questions qu'on a. Puis je vais répondre à cette question-là, Mélanie, oui. Parce que la première chose que l'être humain, qu'est-ce qui va faire qu'un être humain va s'ouvrir puis qu'il sera pas fermé, c'est que l'environnement est sécure. La responsabilité du conférencier, du coach ou du formateur, que moi je me considère plus un formateur qu'un coach, c'est de créer l'environnement propice pour que les gens s'ouvrent, pour qu'ils découvrent à l'intérieur d'eux leur propre vérité, pas la mienne. J'ai la mienne. Moi, j'ai 62 ans, j'ai un chemin de vie, j'ai pris une route qui m'a aidé, moi, à découvrir qui moi je suis. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça s'applique à tout le monde, puis que mon message il va être le même pour tout le monde. Je dis aux gens, d'entrée de jeu, je n'ai pas la vérité, j'ai que la mienne, puis je vais la partager. Si ça vous touche, puis ça vous interpelle, puis qu'il y a des choses que vous aimez dans ce que je dis, Ben, prenez-le, mettez-le en pratique, mais faites votre propre succès. Faire un peu son panier d'épicerie. Exactement. Écoute, j'aurais pu dire exactement le même mot, moins intelligemment que George, mais c'est exactement ça. Tu sais, tu dis, il y a peut-être des conférenciers qui montent sur scène, qui donnent leur message, mais qu'après ça, ils sont fermés et on peut pas leur parler. S'il y a quelqu'un qui connaît ce principe-là d'être fermé à ou de se faire fermer la porte, c'est bien moi. De par mon approche, il y a plein de gens qui me ferment la porte. Et c'est leur choix. Je respecte ça, c'est leur choix. Ben, tu questionnes beaucoup l'industrie. Ouais, pis, oui, je questionne l'industrie. Et ça, ben, ça aussi, ça dérange, hein, parce que l'industrie, elle est dans une petite cage en verre, en cristal. Et à partir du moment où tu viens questionner ça, à partir du moment où tu invites les gens à réfléchir, tu te fais catégoriser comme un metteur de merde ou un causeur de troubles ou quelqu'un qui cherche juste la controverse. Et c'est vraiment pas le cas, mais moi, je dis aux gens, si vous êtes d'accord avec moi, dites-le-moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le-moi aussi. Puis si vous avez des arguments qui me font réfléchir puis qui vont peut-être me donner l'occasion de changer mon point de vue, soyez certains que j'ai cette ouverture-là. Mm-hmm. Mais effectivement, il y a des gens qui ont leur petite boîte, qui nous défilent ça depuis 30 ans sur des scènes et qui sont pas en mesure de sortir de cette petite boîte-là. Ouais, ben c'est ça. C'est ça, Jean. Puis dans le fond, c'est pour ça que tu déranges. Exact. Parce que les gens se font confronter à pourquoi je fais les choses. C'est quoi mon but ultime? Moi, quand je fais quelque chose, il faut que je me pose la question. Est-ce que ça vient d'un intérêt intérieur ou un intérêt pécunier? Puis George parlait tout à l'heure de la vérité. Tu sais, il y a des gens, de par mon approche, qui me disent, qui ont la perception et qui me le disent carrément ou qui le disent en arrière d'un clavier sur un réseau comme Facebook. C'est très facile. Et qui se cachent derrière ça, au lieu de faire un live puis me le dire en pleine face ou de venir me le dire en pleine face, qui se disent, ah, Nadeau présume qu'il avait la vérité absolue. Baptiste, est-ce qu'il faut qu'à chaque fois que je me mets à face devant un micro, que je commence en disant, hey, les amis, c'est ma vérité, je la partage avec vous, faites-en ce que vous en voulez. C'est la mienne, c'est la nôtre. Chaque conférencier monte sur une scène pour partager sa vérité à lui ou à elle. Mais ce serait pas justement parce qu'il y en a beaucoup qui sont fermés aux questions des gens qui assistent dans la salle, par exemple? Que justement, ceux qui... Ben, tu dis que Jean que tu te fais un peu ramasser parce que bon ça y est Jean Nadeau a la vérité que j'ai la vérité. Est-ce que c'est justement ce portrait là des gens qu'on voit en conférence qui disent voici j'ai la solution qui reste dans cette boîte là qui transmettent sur toi là, à un moment donné les gens sont peut-être juste habitués de voir voici ma réponse c'est ça c'est pas autre chose. Très très souvent dans la vie moi inclus. Très, très souvent dans la vie, la personne qui émet une critique devrait peut-être aller se regarder dans le miroir avant de l'émettre. Et les gens qui me disent « fermé à ma vérité », alors que je passe mon temps à dire aux gens, je commence tous mes lives du mercredi que je fais le mercredi midi, là, c'est ma vérité à moi, je vous la partage. Faites-en ce que vous voulez, c'est la mienne, c'est mon opinion. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes prêts à l'écouter, écoutez-la. Mais allez vous faire votre propre recette. Avec les ingrédients que je vais vous donner aujourd'hui, prenez pas ça pour du cash parce que Nadeau a dit ça, ou Wright a dit ça, ou Jean-Marc Chaput a dit ça, ou François Lemay a dit ça. Ben, allez réfléchir le monde, arrêtez de penser que parce qu'on monte sur des scènes, qu'on est des êtres parfaits puis qu'on a la vérité absolue, c'est faux. Ouais. J'ai la mienne, mais faites-en ce que vous en voulez. Ma question par rapport à ça, c'est est-ce que tous les conférenciers sont conscients que quand ils sont en scène, c'est à eux qu'ils parlent? Le message est pour eux. C'est une extraordinaire question. Je suis coaché par un des plus grands conférenciers au monde aux États-Unis actuellement. Et c'est une des premières phrases qu'il m'a dit. Autrement dit, ça serait quasiment une thérapie devant public. C'est une des premières choses qu'il m'a dit. Jean, on monte sur scène, nous, les conférenciers, pour enseigner ou pour parler de ce que nous apprenons encore aujourd'hui. Ouais. Et je te dirais que dans 99% des cas, quand je monte sur une scène en entreprise ou peu importe devant le monde, dès que j'ai un public devant moi, je leur dis, je vais peut-être vous décevoir en partant, mais vous êtes pas mon public numéro un. Je suis mon public numéro un. Ça diminue pas l'importance que vous avez, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que tout ce que je vais vous dire ce soir, j'y crois. J'y crois fermement, sinon je vous le dirai pas. Mais à la fin de la soirée, quand je vais retourner dans ma voiture, là, il y a 1, 2, peut-être 3 points que je vais dire, OK, tu leur redis ça ce soir, mon grand? Tu le crois, mais t'es pas en train de le faire. Retourne ta lignée là-dessus. On n'a pas la perfection absolue, puis on n'a pas la vérité absolue. C'est ça. Donc, tu vois, Jean, toi, t'es intègre dans ce que tu fais. Moi, je dis la même chose aux gens. Quand j'enseigne la communication dans les entreprises, j'ai dit, je suis ici pour apprendre. Mais avec vous autres, on va apprendre. Ouais. Mais est-ce que tout le monde fait ça sur le stage? C'est là que le message est faux peut-être pour certaines personnes, parce qu'ils prétendent être parfaits, Mais en réalité, ils sont là pour apprendre, mais ils sont peut-être pas conscients. Et ce sont principalement, à mes yeux à moi, encore là, c'est mon opinion à moi, je la partage, c'est ma vérité à moi, ce sont ces gens-là qu'on voit de plus en plus, pensez pas qu'on s'en rend pas compte, là, ce sont ces gens-là qu'on voit de plus en plus dans notre industrie qui donnent l'allure de vendeurs de balayeuses à notre industrie. Mais moi, j'ai pas d'objection avec ça. Je vais vous dire pourquoi. C'est que ces gens-là ont besoin d'être éveillés d'une façon ou d'une autre. Ils cherchent quelque chose. S'ils vont vers ces gens-là qui remplissent les salles à 200, 300, 500 personnes, tant mieux. Ça fait 500 personnes qui vont sortir avec peut-être une étincelle qui va faire en sorte qu'ils vont aller plus loin. Ils vont aller vers Jean, ils vont venir vers moi, ils vont aller vers quelqu'un d'autre. Mais ça prend des éveilleurs. Moi, j'ai un ami qui est conférencier puis qui, lui, il fait un spectacle, un show extraordinaire. Oui, parce que c'est mais des ça reste shows, un niveau. Là. Ça reste ça. Un niveau. Ça reste un niveau très basique. Puis après ça, les gens disent « Wow, c'est super intéressant, je suis motivé. » Mais ma motivation tombe à zéro parce que j'ai pas de... C'est pas intégré. Mm-hmm. Moi, ce que j'aime faire avec les gens, c'est de les amener à intégrer les notions pour que ce soit d'un nouvel acquis, une nouvelle façon de faire. Il faut, au départ, qu'ils sortent de leur zone de confort. Ouais. Fait que moi, gentiment, je les amène à sortir de leur zone de confort pour qu'ils soient confortables dans le nouveau comportement qu'ils sont en train de développer. Puis une fois qu'ils sont confortables avec, puis l'on met en pratique... Ce que j'en dis, allez dépoussiérer vos pantalons puis faites quelque chose, mais ils vont le faire et après ils vont dire, waouh, ça fonctionne. Ça fonctionne. Moi, c'est des témoignages qui me font continuer de faire ce que je fais dans le métier. Moi, Mélanie, la chose que j'aime le plus entendre à la sortie d'une de mes conférences, c'est quand les gens disent, ils m'énervent. Ils m'énervent, mais je vais aller y penser. Mais je te si l'ai je dit, réussis ça, je j'ai te fait l'ai ma job. Déjà dit, Jean, fait que des standing ovations, là, j'en ai pas bien. Mais je te l'ai déjà dit, Jean. La première fois que t'es venu à l'émission, à l'automne, quand je t'ai entendu la première fois, là, m'a dit de quoi, t'étais pas dans mon cœur. Mm-hmm. On était loin d'être dans le bubble gum, puis le rose, puis le non. Suis-je enfin dans ton cœur? Mélanie. Ça commence. Bon, ma voix du secret, c'est un... Jean, Mélanie. C'est un running gag à un moment donné. Je sais que je suis dans le cœur de George. Avec ta voix là, du secret. Ouais, c'est ça, ouais. Ben oui, Jean, t'es dans mon cœur maintenant parce que tu serais pas à mon émission. Non, voilà. Ça prend pas ça pour l'être. Et je ne cherche pas à être dans le cœur des gens en passant. Hein. Ben, on l'a vu, ben, ça. Je ça ne cherche voit. Pas à être aimé, moi. Écoutez-moi, si Jean, vous respectez Jean, ce que je... Mais j'aime être aimé. J'ai pas dit que j'aimais pas être aimé. J'aime être aimé, mais je fais pas ce métier-là pour être aimé. Les gens que je veux qui m'aiment, là, c'est ma blonde, mes enfants, mes amis, mes parents. C'est à peu près ça. Eux autres, leur amour... Les autres, là, tant mieux s'ils m'envoyaient des tickers sur Facebook. J'haïs pas ça. Ben ouais. Mais j'haïs pas ça. T'es c'est un grand sensible. Non, tout le monde... Oui, t'as raison, mais faut pas le dire. Mais t'as raison, mais je fais pas ça pour être aimé. Je suis pas sûr. Ouais. Je suis pas certain, moi. On passe à une pause publicitaire. Exactement. On s'en va à la pause. Ah, je vais y fermer le micro. Jean, je ferme le micro. Je me permets ça avec Jean comme invité parmi mes deux invités, George Wright et Jean Nadeau. Donc, on va revenir après la pause. On va continuer de parler de développement personnel, mais j'aimerais aussi qu'on parle de l'échec et de l'industrie aussi, qu'on continue à parler de l'industrie. À tout de suite. On est de retour aux différents. Mélanie Fleurant avec vous pour encore une demi-heure et avec mes invités George Wright et Jean Nadeau. Rebonjour à vous deux. Rebonjour Mélanie. Bonjour George. Salut, t'es là Jean. George Wright. Je le dis pas en anglais, t'as entendu. C'est pas grave, hein? Mélanie. J'ai fait une émission cette semaine où est-ce que tous les noms en anglais étaient dans la même demi-heure, puis non, ça me va pas du tout. Vous pouvez bien rire. On parle de développement personnel. J'ai une question que je voulais poser, mais en même temps, j'aimerais ça recommencer le bloc par... Est-ce que vous pouvez me résumer en une phrase l'industrie du développement personnel? C'est tout simplement pourquoi ça fonctionne, c'est que les gens ont soif. Mm-hmm. Les gens veulent quelque chose de différent. Qu'ils cherchent? Ils cherchent surtout pas la politique, parce que la politique, on sait que c'est ce que c'est. On cherche pas la religion, parce qu'on sait que la religion, elle nous aide plus. On cherche pas l'argent, la sécurité au niveau de l'argent, parce que l'argent, c'est insécure. Donc, on cherche une forme de sécurité. Mais la sécurité, on la trouvera pas à l'extérieur de nous, on va la trouver à l'intérieur de nous. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que le domaine de la croissance personnelle est en vogue et ça croît à une vitesse phénoménale, parce que les gens trouvent quelque chose qu'ils cherchent. Mais tu sais, on disait, les anges disaient, ben, si tu veux pas que l'être humain trouve ce qu'il cherche, mets-le à la vue. Mais à l'intérieur de lui, pour que ça soit le plus proche, pour pas qu'il le trouve, il va le chercher à l'extérieur. On va aller sur les autres planètes, on va aller dans le fin fond de l'océan, mais ils chercheront pas à l'intérieur d'eux. Fait que c'est pour ça que les gens cherchent, mais moi, je trouve ça extraordinaire. Parce qu'à quelque part, plus on va être à faire ça, peu importe la façon qu'on le fait, j'aime pas être dans le jugement, peu importe la façon qu'on le fait, si ça sert à quelqu'un, tant mieux. Oui. Tant mieux. Je pense définitivement, moi, qu'il y a un besoin, de toute évidence, un besoin, parce que les églises sont plus là, fait que les gens ont besoin de s'accrocher à quelque chose. Ça revient à ce que je disais tantôt, vraiment. Ouais, hein, ouais, je trouve qu'on vit actuellement un genre de dictature spirituelle qui est en train d'anesthésier notre société dans un immobilisme confortable. Puis dans la croyance, dans une croyance du « tout m'est dû ». Envoie ça dans l'univers, ça va te revenir. Aie une bonne attitude, ça va te revenir. Ben, on l'entend. Ouais, je sais. Ben, c'est ça que je te dis. On est en train d'anesthésier notre société dans cet immobilisme confortable à juste mettre ça dans les mains de l'univers, puis ça va nous arriver. Puis je pense que notre industrie, à la base, est très loin de l'objectif qu'elle s'était donné au tout début, qui était de remettre entre les mains des gens le pouvoir de se prendre en main, de se prendre en main. Puis des fois, sincèrement, j'ai l'impression qu'actuellement, on frôle le scepticisme pyramidal dans notre industrie. Wow. Je trouve qu'on frôle le scepticisme pyramidal. On est en train de former des groupuscules où on a une personne qui est en plein milieu qui devient un idole, ce qu'on appelle maintenant les gourous, et que cette personne-là a la vérité absolue. Ouais. Ben, le prêtre l'avait pendant plusieurs années. Exactement. Donc, il y a une suite logique. Mais c'est ça. On est en train d'anesthésier les gens. Les gens, depuis le secret, là, on est dans cette série de modes-là. Puis c'est pas les premières modes. Il y en a eu d'autres modes avant. Ben oui. Le positivisme, la motivation. Puis après, c'est venu justement la loi de l'attraction. Puis là, on est dans la pleine conscience. Et ce sont des modes. La loi de l'attraction revient. C'est-tu moi qui c'est... Non, c'est ça. Peut-être qu'elle revient. Ça a toujours été là où ça revient. Elle est là. Il y a toujours des fans d'Elvis, hein. Fait qu'il y a des fans d'un peu tout le monde. Fait que je te dis pas qu'il y a pas des gens qui restent collés dans une mode. Il y a encore des gens qui portent des lunettes grosses comme ça. On dirait des porte-patio, bâtin. Des lunettes roses. Ouais, entre autres des lunettes roses. Mais ce sont quand même des modes qui passent. Puis moi, quand je suis arrivé. Jean. Laisse-moi finir mon affaire, ça sera pas long. Elle va couper mon micro, sinon. Alors, on va te savoir une heure et demie, ici, là. Mais je finis juste mon petit point. Et quand j'ai commencé à être conférencier, puis j'ai dit que mon message reposerait toujours sur le sens des responsabilités, de grands gourous de notre industrie nous ont dit, Jean, c'est pas de jaser ben cette affaire-là. Là. Tu cacheras pas avec ça. Tu rempliras pas des salles avec ça. Je m'en fous. C'est pour moi la base. Puis je dis aux gens, si vous allez voir une conférence en développement personnel puis on vous parle pas du sens des responsabilités, allez voir le conférencier après puis dites-leur, Nadeau fait dire que tu peux me rembourser, t'as pas parlé de développement personnel. C'est pas une mode. C'était ça il y a 2000 ans, c'est encore ça aujourd'hui, puis ça va être encore ça. C'est entre vos mains. Mm-hmm. Alors que les modes, elles, passent. Puis là, on est dans une mode, justement, où on dit aux gens, prends ce coup, assis-toi là, puis envoie ça dans l'univers, aie une bonne attitude, puis tout va bien aller. Prends un grand respire. 3, 4, je respire mon journée. Vous vouliez rajouter de quoi? Ouais, ben, c'est sûr, je vais rajouter quelque chose. Écoute, d'après vous autres, la loi de la gravité, c'est une mode? Mais c'est une vraie attends, loi. C'est une vraie loi. Qui a décidé c'est vérifiable, en tout cas. Qui a décidé que la loi d'attraction, c'est une vraie loi? OK, il est fermé, là? Oui. OK, c'est à moi à parler. La loi de la gravité, elle existe, qu'on le veuille ou non. C'est pas une mode, oui. Ça. La loi d'attraction, c'est aussi quelque chose qui existe, mais qui est pas une mode. Laisse le micro fermé, j'ai pas fini. C'est plus difficile de prouver. Ben, la gravité, on le voit. C'est plus facile à voir. Oui. C'est plus facile. Puis là, arrivez-moi pas avec le vent ou l'air ou la lumière. On la voit pas, mais on sait qu'elle est là. Je comprends ce principe-là. C'est juste que c'est plus difficile de vérifier la loi de l'attraction. Pourquoi? Parce que c'est chaque humain qui est différent. Oui, puis... Chaque humain est différent. La même recette ne fait pas pour tout le monde, tout à non? Fait. Dans la recette de Jean, lui, c'est passer à l'action. Puis dans la mienne, c'est fais-le pas toute seule. Fais-le avec l'univers. L'univers est là pour toi. Mais passe à l'action, par contre. Mm-hmm. Mais l'univers est là pour te supporter. Puis l'univers, c'est quoi? C'est que l'univers, ce qu'il veut, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Mm-hmm. Mais si je m'en sers pas, je vais être dans l'action, puis je vais te donner un exemple, Mélanie, qui est très concret. Oui. Si je te dis, tu as un enfant, toi? Non. OK, mais mettons que tu as une meilleure amie, OK, ou un parent. J'en ai pas. Non, j'en ai. T'as des parents, en tout cas. Mais mettons que je suis à Québec, toi, puis moi, on est à Québec. Oui, oui. On est sur les. Moi, je suis sur l'édifice G, toi, tu es sur le H. Mm-hmm. OK? Puis je te dis, traverse, Mélanie, j'ai mis un fil d'affaires, puis ça te permet de traverser en plein hiver, il fait -30, puis je te dis, on va aller prendre un café ensemble, est-ce que tu traverses? Non. Probablement pas. Même si je te donne 100 piastres, même si je te donne 200 piastres, même si je te donne 10 000, tu ne traverseras pas. Mais si je te dis, Mélanie, j'ai quelqu'un que tu aimes ici, puis si tu ne traverses pas dans les 5 prochaines secondes, je le tire en bas. Est-ce que tu vas te demander comment tu vas faire ça? Tu vas-tu développer une stratégie, une méthode, un plan d'action? Ou si tu vas traverser parce que ton émotionnel te stimule à traverser? Tu as un pourquoi qui est fort. Mm-hmm. Moi, je veux dire à les gens, hey, passe à l'action, mais si tu sais pas pourquoi tu passes à l'action, ça va donner quoi? Ben, c'est ce qu'on entend souvent. Tu es réouvert, voilà? Ben oui, t'étais réouvert. Ça a duré deux secondes. Jamais été fermé, ça a duré deux secondes. T'as une croyance. Il y a une très grande portion, une très, très grande portion de ce que George vient de dire avec laquelle je suis 100% d'accord. Merci, George. Quand dans ma conférence, je demande aux gens, levez la main, c'est ceux qui ont lu Le Secret, la loi d'attraction, plein de monde lève la main, c'est le livre le plus vendu après la Bible. Une fois qu'ils ont toute la main levée, je leur dis la pire merde que j'ai jamais été mise sur papier. Et là, ça offusque bien des gens. Et je leur dis, OK, je sais qu'il y en a parmi vous qui aimez votre petite loi de l'attraction. Je vais retirer mes paroles. Je vais vous dire ça autrement. Au mieux, c'est à 50% vrai. Puis si c'est 50% vrai, ça veut dire que c'est 50% faux. Puis si c'est 50% faux, baptême, pour moi, c'est faux. Hein? Mm-hmm. Si ton chum te dit, chérie, je t'ai pas trompé, je l'ai juste frenché, baptême, c'est tout ou rien. Hein? Bon. Fait que si c'est à moitié vrai, c'est à moitié faux. Puis si c'est à moitié faux, c'est faux. Là où je suis d'accord avec George, à 100%, je suis pas juste Monsieur Action. Ma première conférence s'intitule « Pensez à l'action ». Arrêtez-vous. Établissez vos rêves, vos objectifs. Pensez-y. Mm-hmm. Intériorisez-le. Mettons par la méditation, peu importe quoi. Si ça crée des vibrations, ça monte dans l'univers, j'ai pas de trouble avec ça. Mais je suis bien plus du style à me dire, je me suis arrêté, j'ai établi mes choses, j'y ai pensé. Je suis pas juste passé à l'action comme une poêle à tête coupée. Je l'ai intériorisé, j'ai vécu l'émotion de réussir. Puis là, je me lève, puis je vais passer à l'action. Mais c'est quoi cette histoire-là d'avoir fait de cette réflexion-là une loi? Surtout pas de la comparer à la loi de la gravité. La loi de la gravité, ça a été prouvé, c'est réglé, c'est une vraie loi. La loi d'attraction, on trouve des écrits dans une grotte apparemment égyptienne, puis on décide que ça devient une loi parce que ça va être vendeur. On décide pas que ça devient une loi, Jean. On décide pas. Il y a des gens, puis je vais juste faire une parenthèse. Qui, George, dit que la loi de l'attraction, c'est une loi? Qui a dit ça? Ben, c'est parce que c'est la madame ça qui écrit le secret du marketing? Non, mais Jean, c'est parce que c'est pas ni vrai ni faux, la loi, le secret, le livre. C'est juste incomplet. 100% d'accord. Là, on se rejoint. C'est ni vrai ni faux. C'est incomplet. Mais c'est juste incomplet. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Donc, faut pas cataloguer la loi d'attraction comme étant faux. Mm-hmm. Puis c'est de la pire merde que ce qu'on a mis sur la table. Au contraire, si on en a vendu à des millions d'exemplaires, ça permet à des millions de gens de se poser des questions. Ouais. Si ce que j'ai dans ma vie ne me plaît pas, c'est peut-être parce que je l'ai créé. Je pense que, tu sais, quand attends, je te parlais attends, de l'immobilier tantôt, là. Ferme son micro. Vas-y. Mais il faut faire attention avec la loi d'attraction, puis la notion de responsabilité, puis la notion de culpabilité. Les gens ont été élevés à coup de « c'est de ta faute mm-hmm. ». T'es pas bon, c'est de ta faute. Mais il faut arrêter ça, parce que les gens associent la loi d'attraction avec la notion de responsabilité. Si ça m'arrive, c'est parce que je l'ai créé, mais c'est pas de ma faute. Mm-hmm. Mais c'est sûr que si je dis à quelqu'un « c'est de ta faute », il va dire « ben qui mange la chenoute pour la loi d'attraction ». Non, on s'en rejoint pas, parce que oui, les actions que t'as fait. Oui, mais je suis d'accord avec toi, il y a une très grande différence entre la culpabilité et la responsabilité. Ah oui. Culpabilité ne se partage pas, la responsabilité se partage. Et oui, c'est de notre responsabilité, la très, très, très, très grande majorité des choses qui nous sont arrivées dans notre vie, c'est notre responsabilité. Ouais. Puis, il y a des fois où c'est pas notre responsabilité pantoute. Les gens de Lac Mégantic, là, qui ont perdu des papas, des mamans, des frères, des sœurs, là, pendant qu'ils dormaient, eux autres, c'est pas de leur faute, baptême, si le train est déraillé, puis ils ont perdu. Par contre, il leur en reste une responsabilité, puis c'est leur façon de réagir. Fait qu'ultimement, notre vie, les gens aiment pas ça, ma mère a eu ça pour mourir quand j'utilise le mot faute, mais je l'utilise autant positivement que négativement. Notre vie est de notre faute. Les bonnes choses que tu as faites dans ta vie, baptême, c'est de ta faute. Par tes pensées, tes paroles et tes actions, c'est de ta faute. Les moins bonnes, c'est souvent de ta faute aussi. Puis si c'est pas de ta faute pantoute, t'as quand même la responsabilité, c'est quand même de ta faute, c'est que t'as quand même la responsabilité de ta façon d'y réagir. Donc on se rejoint sur la première portion que il faut y penser à nos actions et tout ça, mais à un moment donné, quand George dit que la loi de l'attraction a éveillé des gens, moi je pense que ça les a assis dans leur divan parce qu'ils se sont fait dire « Baptiste, vous avez plus besoin de travailler pour le bonheur et le succès, installez-vous dans votre divan et envoyez ça dans l'univers. Je suis mince. T'es pas mince, Baptiste, t'es gros, lève-toi derrière et va prendre une marche. » Je l'ai lu, la loi d'attraction, puis j'ai pas vu ça dans le chapitre, il faudrait que tu me le montres, où on te dit « reste assis chez vous puis fais rien ». C'est la perception que ça a donné chez les gens. Les gens disent « on plus besoin de travailler, j'envoie ça dans l'univers, ça va marcher. » C'est ta perception. Il y a un point que, Jean, je vais continuer sur ce que tu parles avec la loi d'attraction. J'ai entendu, parce que je veux pas, en faisant les recherches, puis déjà, je connaissais le domaine du développement personnel. Où est-ce que j'entends que c'est un privilège de vivre une dépression? OK, ça, c'est grave dire ça à des gens. J'ai lu aussi sur un autre article que si les gens suivaient plus les conseils en développement personnel, ils feraient pas de dépression. Mais c'est ça, c'est grave. C'est là où est-ce que moi, je trouve que l'industrie devrait se responsabiliser comme on demande de responsabiliser les gens. Ben, elle devrait se responsabiliser parce que quelqu'un qui va dans ces conférences-là, souvent est à la recherche d'une solution. Est-ce que je me trompe? Pas du tout. Pas du tout. Ça peut aussi, parmi ces personnes-là, il peut y avoir des gens qui ont besoin de soins psychologiques, que ce soit une thérapie avec un psychologue, qui soit avec suivi par un psychiatre, peu importe, ou qui sont en dépression et qui cherchent puis qui rament. Et ils se font dire, ben c'est de ta faute, puis hey, tu devrais être content, c'est une belle dépression que tu fais. Attends, mais ce que la personne vient de dire là, dis pas que... Il y a combien de personnes qui sont en dépression, qui perdent toutes? Mm-hmm. Puis peut-être arrêter peut-être l'industrie de dire « responsabilisez-vous ben, » et peut-être l'industrie devrait se responsabiliser. Et ça revient aussi au fait, tantôt, quand je posais les questions à certains coachs et que je me suis fait dire « mais t'es fermée ». Non, non, je suis curieuse, je veux comprendre ton point de vue. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être que l'industrie et le domaine du développement et de la croissance personnelle se responsabilisent à son tour, tel qu'on le demande aux gens. Ben oui. Mais la société ne veut pas que les gens se responsabilisent parce que c'est payant. Tu vas te faire brûler avec un café chaud, tu vas poursuivre l'entreprise. Mais où la notion de responsabilité? Le jour où les gens vont être responsables, dire « OK, moi je suis en dépression, pourquoi je suis en dépression? » C'est quoi la question mais que je vais poser? C'est ça, c'est une pathologie, c'est une maladie, là. Ouais, mais ça, c'est une pathologie. George, tu as tout à fait raison. Moi, je fais de l'anti-marketing. Quand je dis aux gens mon message, c'est le sens des responsabilités, je dis aux gens, prenez vos responsabilités, je fais de l'anti-marketing parce que si les gens se mettaient à prendre leurs responsabilités, j'aurais plus de job. Mais oui. Fait que je fais de l'anti-marketing. C'est mon souhait. C'est mon souhait. Tout à fait, t'as raison. Parce que t'as si je réussis à faire ça, sais-tu quoi? Je peux prendre ma retraite. Exactement. Mm-hmm. Puis les gens vont s'aider. Mais justement, sur la responsabilité, tu sais, quand tu dis qu'il y a des gens peut-être qui dans nos salles, quand il y a 500 personnes devant nous, il y a peut-être des gens qui ont des malaises psychologiques. Ben, il y en a peut-être une gang plus qu'on pense. Oui, mais Mélanie, on peut pas se porter responsable. Moi, là, j'annonce une conférence, les gens jettent des billets. Je fais pas une étude psychosociale sur les gens qui se présentent. Je vais être responsable de ce que je vais dire, mais je suis pas responsable de la condition des gens qui se présentent devant moi, puis je suis pas responsable aussi de ce qu'ils vont faire de mon propos. T'es responsable de tes propos aussi. Ben oui, mais mon propos, c'est un propos de masse. C'est ça. Un propos de masse. D'après moi, là, ce que je dis... Ce que je dis, c'est 90% de ce que je dis, 90% du temps, 90% des situations s'adressent à pas mal tout le monde. Moi, je vais le citer. C'est François Lemay que je vois dans une de ses conférences qui dit... J'ai fait un burn-out. Wow! Appelons ça un burn-out parce que c'est plus chic qu'une dépression. Wow! C'est le plus beau cadeau que j'ai eu. Je lis dans un livre où est-ce que Christine Michaud, par exemple, parle aussi de sa dépression et que ça a été pour elle un cadeau mal emballé. Excusez, là, mais c'est pas un cadeau pour quelqu'un qui le vit. Puis souvent, cette personne-là va être en détresse. Et c'est là aussi que même l'ordre des psychologues émettent des points. Là. Ben c'est sûr, parce que je vais vous surprendre, mais j'ai rien à ajouter sur ce que tu viens de dire. Ouais, ben je vais vous surprendre, mais je vais garder le silence. Et je viens-tu de réussir à fermer le clapage en ado? Non, j'ai juste rien à ajouter à ce que tu viens de dire là. OK. Ben Dans quel sens tu soulèves un très bon questionnement qu'on devrait avoir dans notre industrie? Tout à fait. C'est un questionnement qu'on devrait lancer dans notre industrie, mais on le fera pas parce que c'est payant de pas le faire. C'est payant de vendre la vulnérabilité sur des scènes. Quand j'ai fait mon événement avec Brian Dubard dernièrement, puis là, j'ai fait un live le lendemain pour expliquer aux gens ce que j'avais vécu. Patin, ça fusait de toutes bords. C'était à propos de l'authenticité. On va juste situer les gens. Authenticité et vulnérabilité. Puis là, je démontrais que la veille, ben oui, j'avais vécu un moment de vulnérabilité. Les gens ont adoré ça. Jean a une vulnérabilité. Qu'est-ce que vous pensez? Que j'ai pas de cœur? C'est sûr que j'en ai un. Mais je veux juste pas utiliser ma vulnérabilité à parler de mes problèmes de vie, à parler de ce qui me touche au cœur pour vendre des billets puis remplir des salles. Même si c'est une thérapie qu'on fait devant le public. Je vois pas mon rôle à faire ça. Moi, je vais ajouter à ce que tu as dit, Mélanie. Allez-y. Parce que quelqu'un dit j'ai fait une dépression puis c'est parfait, mm-hmm. Ben ça se peut que la personne qui est en dépression actuellement va se dire waouh, si lui c'était parfait, pourquoi ça pourrait être parfait pour moi? Et c'est peut-être un cheminement. Moi, j'ai traité des gens qui étaient en dépression, puis quand je leur ai expliqué la cause, ils ont compris d'où ça venait, ben les effets disparaissent. Mm-hmm. Ben, peu importe l'approche qu'on prend, on peut dire un banc, un coup de pied dans le cul, puis let's go, lève-toi, puis va te secouer les pantalons, puis c'est tu le sors langage en dépression. Qui est... C'est ça, c'est l'approche. C'est les autres qui ont choisi l'approche de dire, hey, c'était la plus belle chose qui m'est arrivée. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont été malades, qui ont dit la maladie m'a permis de comprendre plein de choses qui fait que je suis maintenant en santé. Mm-hmm. Et mon approche de coup de pied au derrière, parce qu'on en parle là, elle ne s'applique pas, elle ne convient pas à tout le monde, tout le temps non plus. George Wright, c'est mon ami. Oui. J'aime George Wright. S'il m'appelle puis dit « Jean, je suis dans la marde, viendrais-tu? » Je vais accrocher un petit six-pack de bière ou une bouteille de vin, puis je vais aller voir mon chum George Wright, puis je vais le prendre dans mes bras. Mm-hmm. C'est de ça qu'il a besoin au début, de ce qu'il est en train de vivre. Je vais aller le voir 3 jours en ligne, 4 jours en ligne, mais ça se peut qu'à un moment donné, mon chum George Wright, avec le même amour que j'ai pour lui, que je le pogne par les épaules, je dis « George, on va changer de tactique maintenant. Ouais. Parce que je te connais, je sais qui tu es. Je vais te prendre par les épaules, je vais te donner autant d'amour. Mais là, l'apitoiement, là, puis la petite boule ensemble, là, ça va se terminer aujourd'hui. Puis ça va être avec autant d'amour. Donc, mon approche et l'approche de George, elle n'est pas faite toujours pour tout le monde. Tout n'est c'est pas ça. Toujours parfait. C'est là que la loi d'attraction s'applique. Les gens qui ont besoin d'aller vers Jean vont être attirés vers Jean. Tout, c'est ça la loi d'attraction. L'univers m'envoie du monde. Il y en a qui monde. Appellent ça ben le oui. karma, la loi de l'attraction, qu'on appelle ça. Peu importe le nom qu'on lui donne. Il me reste à peu près 5 minutes, puis je vais la poser tout de suite, ma dernière question, parce que j'ai peut-être parlé 3 minutes dans l'émission, à peu près. Ça me surprend. Pourquoi vous faites ça? Parce que fondamentalement, j'aime les gens. Moi, j'ai marché la trail, je l'ai battu la trail. J'ai pas eu une enfance nécessairement simple et facile. J'ai compris plein de choses et mon objectif, c'est de partager avec les gens mon vécu pour dire « Hey, la trail, je l'ai battue, je sais ce que tu vas vivre, je sais comment ça va pas être facile pour toi, mm-hmm. mais je vais être là pour toi, je vais t'accompagner puis je vais te montrer le chemin qu'après tu décideras si la trail te convient ou non. » Moi, c'est pour ça que je fais ça. Puis quand j'entends des gens, encore ce matin, j'expliquais à mes amis français qui sont ici avec nous. Oui, justement, on est sur le live de Facebook, la page de Georges. Exact. Donc, vous pourrez... puis j'ai repartagé aussi sur les différents, si vous voulez voir en direct. J'ai eu, Mélanie, un jeune homme en consultation il y a plusieurs années de ça, qui était TDAH, il y a toutes les étiquettes. Là. Mm-hmm. Okay, puis lui, c'était condamné à prendre de la médication toute sa vie. Puis à un moment donné, j'ai parlé avec la mère. Puis le petit, il était dans la salle, il écoutait. Puis elle a dit « Ouais, mais c'est à lui qu'il faut que tu parles. » J'ai dit « Non, je parle à toi, puis lui, il t'entend. » Puis aujourd'hui, ce petit garçon-là, il est rendu à 18 ans, il ne prend plus de médication. Il s'est responsabilisé, il a changé son comportement. Et encore aujourd'hui, 8 ans après, sa mère m'écrit encore aujourd'hui pour me dire « Merci pour ce que tu as fait avec mon fils. » Ça, c'est pour ça que je fais la job. Mm-hmm. That's it. Pas pour l'argent, l'argent vient avec. Ben, c'est un domaine qui vaut des milliards, là. J'ai exactement le même objectif que George, puis quelqu'un dans ce domaine-là qui n'aurait pas cet objectif-là de base, cette mission-là, cette raison d'être dans le développement personnel, c'est-à-dire d'aimer l'humain et de partager ce qu'on pense qui pourrait peut-être les accompagner. Je pense qu'il n'y a pas d'affaires dans le développement personnel. Donc, les gens qui pensent que parce que mon approche est dure, acerbe et qu'elle brasse pas mal, que je n'aime pas l'humain, j'aime l'humain. J'ai des problèmes avec certains individus, mais j'aime l'humain de façon générale, puis mon approche est peut-être pas populaire, mais elle convient à certains, puis elle convient pas à d'autres. Puis tu sais, c'est pas la fin du monde qu'elle convienne pas à d'autres, qu'elle convienne pas à tout le monde. C'est bien correct, je vais vivre avec ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais à la base, on est là parce qu'on aime l'humain. Moi, je ne me positionne pas comme quelqu'un qui aide les gens ou qui veut changer les gens. Les gens vont s'aider s'ils veulent s'aider, puis ils vont changer s'ils veulent changer. Moi, je ne suis qu'un post-it audacieux qui leur met en pleine face l'objectif numéro 1 du self-help, du développement personnel il y a plusieurs années. C'est de remettre entre les mains des gens le pouvoir de se prendre en main. Je vous prendrai pas par la main. J'ai aucun intérêt à vous prendre par la main. Je vais essayer de faire en sorte que vous vous preniez en main. Ouais. Bah, c'est à peu près la même chose. Exactement. C'est la base. Mais ceux qui sont pas dans cet esprit-là, puis qui sont là pour se pavaner sur scène, puis créer, être populaire sur Facebook. T'sais, être populaire sur Facebook, là, c'est la même chose que d'être riche au Monopoly. Fait que là, chez moi, la popularité sur Facebook, ceux qui font ça pour ça, puis pour l'argent, ouais, ils restent pas. On les voit plus. C'est des là, ça devient de mode. Ouais, c'est ça. Quand je rencontre les gens en individuel, je dis mon objectif ultime, c'est quoi? C'est qu'on se voit le moins souvent possible. Exact. Que tu deviennes autonome, puis j'ai plus besoin de toi. Oui, parce qu'en coaching, on peut étaler ça longtemps. Là. J'ai déjà mis fin, moi, à des coachings, à des séances de rencontres avec des gens. La personne, on finissait la 5e rencontre, elle dit « On se voit quand la prochaine? » J'ai dit « On se verra pas. On se verra pas. Je mets de l'argent de côté, là. On se verra pas. Parce que là, fait 5 fois que tu viens, fait 5 fois que tu me parles, tu m'entends parler, tu me dis que ça fait bien du bon sens, je te demande ce que tu as fait à date, puis tu n'as absolument rien fait. Mm-hmm. » Va mettre tes culottes puis passe à l'action. À date, t'as rien de fait. Fait qu'on se verra pas. Puis quand il m'a rappelé, il avait fait des choses, puis on s'est revu. Mais parce qu'il avait fait des choses. Ouais. Et il me l'a prouvé qu'il avait fait des choses. Ouais, fallait le prouver dans ton cas. Exact. Parce que juste le dire, là, les intentions des gens ne m'impressionnent très peu. Si on veut vous suivre, on peut, Georges, on peut vous suivre sur George Wright. Vous avez un site internet aussi? Le site internet est en construction parce qu'il a été, il est passé dans le tordeur. Mais je suis en train de le refaire. Mais les gens peuvent me suivre sur Facebook, c'est George Wright, mais George, pas de S. Donc, il y en a un à Québec. Fait que... Oui, il y en a juste un. Vous êtes facile à trouver. Assez facile. GeorgeWright.com. Sinon, sur Facebook aussi. Est-ce que vous avez une page? Une page Facebook, oui, j'ai une page personnelle et professionnelle. Et professionnelle. C'est George Wright Coach. Coach. Ouais. Parfait. Je vais mettre les liens sur la page des différents. Sur Internet, www.jeannadeau.net. Et je suis un petit peu sur Facebook. Occasionnellement, je me permets d'être sur Facebook. J'ai enlevé les notifications. J'en recevais à toutes les secondes. Genre. Les gens me demandent ça. Jean, t'as-tu une vie? T'es toujours sur Facebook. Je vais vous faire un grand, grand secret. À part les lives, parce que le secret est sorti. Là. Mais ça en est un secret. Ça, ça en est un vrai. Mais, ce sera plus mais, un secret, mais là, ça sera plus un secret à partir d'aujourd'hui. Et probablement que vous allez arrêter de me suivre parce que, à cause du secret que je vais vous dévoiler, à part mes lives, et vous allez comprendre pourquoi, à part mes lives, que je fais donc live en direct, très souvent, ce que je vais positionner, quand je vais réagir sur Facebook, où je vais faire une publication qui n'est pas vidéo, je suis assis sur le bol de toilette, Batin. Y a-tu quelque chose de plus plate sur le bol de toilette que de faire ce que t'as à faire? Fait que là, j'ai du temps à perdre, puis j'ai pas de temps à perdre. Fait que je suis sur le bol de toilette, puis je réponds aux gens. Peut-être que les gens... C'est un secret. Jean, plus jamais je t'écris. Mais t'es souvent en toilette, finalement. Et c'est pas parce que vous me faites... Mais Jean, t'es souvent en toilette? Tu nous réponds souvent? Ouais. OK, on parle de ma condition intestinale. On fait une autre heure sur ma condition intestinale. Installe-toi, Jean, on va thérapeutiser. Mon prochain live, je le fais sur le bol de toilette. Ça, c'est bon. Mais, sais-tu, pour l'authenticité, je brainstorm rapidement de même, mais Jean, pour l'authenticité, tu pourrais le faire pas nécessairement assis à la toilette. À cet endroit? Là, mais tu pourrais la faire dans les toilettes, oui. Ouais. Messieurs, merci beaucoup. Mélanie, merci. On a passé une heure rapidement. Merci, Jean. Merci d'avoir accepté de venir parler parce que je sais que, comme je dis, c'est une industrie. Ouais. On peut se faire kicker out en bon français. On peut se faire intégrer. Donc, je suis contente que vous ayez émis vos opinions et puis que vous les ayez respectées. Et George, je vais dire quelque chose. George. Oui. Il n'a pas fini. Tu m'aimes? Je t'aime. Tu sais, derrière le hall... Ça va du secret. Derrière le hall qui a un grand cœur. Moi, ce que j'ai vu de Jean, c'est pas... Paye sur le bouton. Arrête, il est en train de détruire ma carrière. Ferme l'émission. Observez-le quand vous allez le voir sur ses lives, quand il fait des commentaires. C'est... Voyez-le. Bon, il y a un gros câlin en studio. Ça va être live, ça, en plus. Oh, c'est vrai, on est en live Facebook. Derrière oui, ça... Oui, je leur partage ce bout-là sur mes différents. Il y a un grand cœur qui veut aider les gens, qui dit « Je veux pas aider les gens. » Il y a un grand cœur qui veut aider. Pour moi. J'en doute même pas. Merci beaucoup.